commença par ses lèvres rosées. Il les fixait. Il les imaginait tendres, un peu gonflées par l'excitation, mouillées de salive. Il aurait envie de les sucer, de les mordiller, de passer sa langue agile entre elles pour la faire frétiller, onduler de désir. Il l'écouterait lui murmurer entre deux souffles, oui, encore. Et puis, sans plus aucune hésitation, il franchit les quelques mètres qui les séparaient. Il avait envie de la goûter, de la savourer. Il commença par ôter les lunettes de soleil de la jeune femme pour regarder ses yeux, passa son nez dans ses cheveux couleur de blé pour enhumer le parfum léger. Les doigts dans son cou descendaient à présent lentement, très lentement, effleurant chaque vertèbre sans s'y attacher. Des petits frissons commencèrent de naître à chaque frôlement. Elle était vibrante. Elle leva les yeux sur lui. Alors, il s'empara de sa bouche, presque violemment. Une étrange correspondance s'était nouée entre eux, quelques mois auparavant. Des lettres, oui, de vraies lettres, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en était aux échanges virtuels. Il lui écrivait sur du papier vergé ivoire, pliait la feuille en trois et la mettait dans une enveloppe de même qualité. Après avoir léché la partie gommée de celle-ci, il la refermait. L'adresse était déjà indiquée. Mademoiselle E. Combe, avenue des Grands Platanes 12, 13200 Arles. Quant à lui, de manière régulière mais pas aussi fréquente, il recevait des missives courtes, parfumées, écrites sur du papier origami, aux motifs floraux, de 15 cm par 15 cm. Les enveloppes étaient colorées, elles aussi, mais unies. Monsieur N. Amé, Castel Béranger, rue de la Fontaine 14, 75016, Paris. La teneur de leur message ? C'était très simple. Cela avait commencé par des défis d'écriture. Je rédige un début d'histoire d'une centaine de mots ou une suite, à vous de continuer en utilisant ces mots. Là suivaient des noms communs, en général, mais aussi des verbes, des adjectifs, tous issus du temps passé. Mots oubliés ou dont le sens premier avait changé pour s'adapter au langage usuel actuel. Ils avaient déjà dû intercaler, mirostoyer, oh que c'est compliqué, rodilardus, grammenter. Mais cela dans une histoire cohérente. C'était un exercice de style, mais aussi une véritable gageure pour l'imagination de chacun. Lui, grand seigneur et certainement plus inspiré qu'elle, lui envoyait à peu près 3 missives, une pour chaque mot. Alors qu'elle, elle compressait son texte, utilisant les mots en un envoi unique de 10 lignes au plus. Ils ne parlaient pas de leur vie personnelle, de leurs soucis du quotidien. Ils ne s'encombraient pas de confidences tendres ou révoltées. Non, juste leurs exercices littéraires. De temps à autre, ils recopiaient le Monsieur Noël. Au bas du feuillet vergé, un court poème d'un auteur français suranné. En général, cela rappelait l'idée de ce qui figurait au-dessus. Elle, par contre, si elle s'était laissée aller, il eût été certain qu'elle se serait servie du langage SMS propre aux gens de sa génération. Il faut dire que plus de 30 ans les séparaient. Elle était plus jeune que les enfants de l'homme. Mais était-ce important dans le fond ? Depuis quelque temps, ils avaient laissé tomber les masques littéraires, parlant chacun des pratiques sexuelles au sujet desquels il fantasmait. Lui, de manière plus enrobée de beaux mots, elle, plus simplement et plus crûment. Ils ne se ressemblaient en rien non plus physiquement. Elle n'était pas grande, avait une silhouette juvénile, peu de hanches, peu de fesses et pas beaucoup de seins non plus. Lui, par contre, dans la force de l'âge, était assez grand, élancé, tout en muscles. Il prenait soin de lui et généralement on lui donnait une quinzaine d'années de moins que ses 60 ans. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, en vrai. Mais là, elle avait mis quelques habits dans une petite valise, la suite nous dira de quoi il s'agissait, et avait sauté dans un avion pour rejoindre Orly. Ils allaient passer un week-end dans l'appartement de l'homme, écrivain connu du tout Paris. Et puis la vie de chacun reprendrait, échange épistolaire et davantage, si ces quelques jours se passaient bien. Il l'attendait, donc. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de choses. D'abord, le lieu. Le grand hall d'un aéroport, beaucoup de monde, des touristes, des voyageurs d'affaires, valises à roulettes, sacs de voyage, sacs à dos, des amoureux qui se retrouvent, des enfants qui rejoignent leurs parents. Il regardait nerveusement la porte par laquelle sortaient les gens ayant pris le vol Marseille-Paris. Elle avait préféré prendre l'avion qui ne mettait qu'un peu plus d'une heure au TGV. Il ne savait pas vraiment à quoi elle ressemblait. Elle ne lui avait pas envoyé de photos. Elle lui avait juste parlé de sa taille et de ses courbes. Il savait qu'elle avait les cheveux blonds, mi-longs, et qu'elle serait vêtue de bleu. On était à l'aube de l'été, en mai, et comme à Arles il faisait chaud, elle ne porterait certainement pas grand-chose. Voilà, ce devait être elle. Le flot des passagers s'était arrêté, elle était là, un peu perdue, avec ses Ray-Ban sur le nez. Sa valise à roulettes, rose pâle, à la main. Elle portait un ensemble bleu, une jupe assortie à un petit haut rehaussé de dentelle. Au pied, des sandales plates et un petit sac caramel de la même couleur que ses chaussures. De fait, ses cheveux étaient blonds et elle n'était pas grande. Elle tournait la tête de gauche à droite, visiblement pour essayer de reconnaître son correspondant. Elle espérait qu'il ne serait pas en retard. Et lui, il la regardait. Il aimait cette vulnérabilité. Elle avait mis du gloss rose sur ses jolies lèvres et il avait hâte de lui ôter ses lunettes de soleil pour savoir de quelle couleur étaient ses yeux. Vert ? Noisette ? Gris ? Il recommença de regarder ses lèvres. Une véritable invitation au baiser. Charnu. Et puis, n'y tenant plus, il la rejoignait sans beaucoup de précautions. Après lui avoir retiré ses Ray-Ban et passé sa main dans le dos, il l'embrassa. Son baiser n'avait rien de tendre ou de doux. De la fougue, un grand chamboulement. Et il attendait ce moment depuis qu'il savait qu'ils allaient enfin se rencontrer. Elle, timidement, commença par ne pas répondre à ce baiser. Elle était surprise par tant de violence et d'insistance. Elle n'avait pas l'habitude des choses rapides à ce point. Elle s'était toujours contentée d'étreintes douces, remplies de précautions. Les hommes en général la traitaient comme une petite poupée fragile. Dans le deuxième épisode, Noël murmura à Eulalie, la bouche collée à l'oreille, « Laisse-moi m'occuper de tes lèvres. Je serai doux. » Et là, elle fond complètement.